Bonsoir. En fait, c'était pour revenir par rapport à la question des étrangers pendant la Révolution. En fait, vous disiez qu'il fallait qu'ils soient adoptés par la région, par le village, la commune dans laquelle, du coup, ils avaient été acceptés au préalable, qu'ils avaient choisi, et quels étaient les termes, les conditions pour être acceptés, en fait. Alors, les conditions pour être acceptées dans cette conception de l'hospitalité, qui est pensée un peu en amont, un peu en aval, c'est d'avoir des liens, tout simplement. Donc, d'avoir un travail, d'avoir des gens qui vous connaissent, donc d'avoir ce qu'on appelle des personnes qui vont vous avouer. Donc, autrement dit, d'avoir des amis. Alors, si vous vous êtes fait des amis, ben, vous allez être avoué par les amis en question, qui vont se présenter comme témoins de votre inscription réelle dans les lieux. Et donc, ça peut être vos amis, vos conjoints, enfin, tout ce qui a fait lien. D'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait précis au XVIIIe siècle. Quelqu'un qui est vraiment pauvre en lien, c'est la vraie figure de l'étranger actuel. Voilà. Mais quelqu'un qui fait des liens, c'est plus une figure vraiment d'étranger. Voilà. Donc évidemment, il y a quand même ces histoires de lettre de naturalité, de droit d'aubaine, enfin il y a toutes sortes de choses. Donc ce qui est important, c'est les liens. Et c'est pour ça que Saint-Just, à un moment donné, met en évidence l'idée que les relations affectives, amour et amitié, sont fondatrices de la civilité et que du coup, il faut les valoriser dans l'espace social. C'est bon. Donc moi, c'était d'abord juste pour information, de quel texte de Jacques Rancière vous faisiez allusion. Voilà, c'était juste pour savoir. Bon, ça, c'était pas super important. Le plus important, c'était sur les gilets jaunes. Là, vous dites là, vous avez parlé du rapport à l'étranger avec les gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez lu le sondage. Je crois que c'était sur Le Monde. Hein. Il y avait 4,7 personnes sur le sondage qu'ils ont fait. Après, je ne sais pas comment ils ont fait le sondage, hein, mais c'était 4,7% des gilets jaunes qui votaient Front National, par exemple, etc. etc. Les gens qui se disaient de gauche dans les gilets jaunes, il y en avait plus de 50%. Après, le reste, c'était des gens qui n'étaient pas du tout politisés, qui ne votaient pas, etc. Donc, il faut arrêter un peu cette histoire. Il y a eu deux, trois histoires. Un mec bourré qui va emmerder une nana et qui va l'insulter parce qu'elle est black ou je ne sais quoi. Bon, regardez quand même, c'est Priscilla, hein, qui est à la tête du mouvement. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas, elle est black, quoi. Enfin bon, voilà. Moi, ça me fatigue un peu. En fait, voilà, moi, je fais la comparaison avec Nuit debout. Nuit debout, bah, je suis désolé, mais on était dans l'entre-soi. Si vous voulez vraiment militer, faire des choses, ou pas militer parce que j'aime pas le terme, moi, je suis pas un militant, mais si vous voulez vraiment vous confronter à des gens, discuter, débattre et tout, c'est le moment, c'est là qu'il faut y aller. Justement, c'est pas en restant dans l'entre-soi que les choses vont changer. Il faut argumenter. Moi, personnellement, je passe mes jours et mes nuits sur Facebook depuis le 17. Moi, je suis parti dans ce mouvement, il m'a vraiment plu. Pour moi, il se passe quelque chose d'extraordinaire en France. Voilà, pour moi, je suis vraiment dans un processus révolutionnaire avec le RIC. Je sais pas, vous n'en avez peut-être pas parlé, là, mais pour moi, c'est super important, le référendum d'initiative citoyenne. Enfin bon, je ne sais pas si c'est la question. Bref, si vraiment vous voulez faire des choses, changer le monde et tout, c'est dans la confrontation que ça se passe, les choses. Ce n'est pas en restant dans l'entre-soi. Voilà. Non. Bah, j'ai pas de question. Hein. Non, j'ai pas de question. Je vois pas pourquoi j'aurais une question d'ailleurs. Hein. Moi, je suis pas. Je suis dans un rapport égalitaire. Moi. Bonsoir. Alors, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, il y a une question qu'il ne faut pas oublier parce que effectivement, on a pu observer que ce soit par les médias ou par les réseaux sociaux, enfin, qui sont aussi un média, que le problème d'accointance ou de sensibilité politique est finalement dépassé par la question centrale que se posent les Gilets jaunes, qui est justement une justice sociale et fiscale. Alors, fiscale, c'est du social. Idem pour la question dit, ou qu'on pourrait dire des étrangers ou identitaires. Là aussi, c'est une question qui est dépassée par le problème général de social. Le parallèle qu'on peut trouver avec la Révolution, c'est que le grand moment de la Révolution française est arrivé à un moment où, c'est un parallèle assez amusant, c'était où la miche de pain coûtait 14 sous. Là où ce qui veut pas dire grand-chose aujourd'hui pour nous, mais qui en gros était une somme et que les gens gagnaient à peine cette somme. Et donc il leur restait plus grand chose pour faire à part ça, pour faire autre chose, pour se vêtir, pour vivre en règle générale. Il y a un parallèle avec cette taxe qui a eu lieu sur le prix du carburant, qui a effectivement mis le feu aux poudres, puisque effectivement c'est une question qui aujourd'hui peut sembler un peu, on va dire légère par rapport à tout le reste, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'écologie, par rapport à beaucoup de choses. Sauf que on touchait effectivement au cœur de la vie des gens, puisque c'est les gens qui ont commencé à se révolter, puis ensuite ça a fait boule de neige et ça a dépassé la simple question de cette taxe essence ou de cette taxe carbone, c'était que justement les gens sont pauvres et à tel point que la moindre hausse, la moindre tentative de toucher à ce qui leur reste, c'est déjà beaucoup trop. C'est sous-sensible, sous prétexte de se resserrer la ceinture. Donc à partir de là, effectivement, je pense que toute question de sensibilité politique n'est pas malvenue. Simplement, effectivement, que ce soit aujourd'hui, que ce soit durant la résistance de la Seconde Guerre mondiale, où on trouvait effectivement des accointances d'à peu près tous les courants, que ce soit communiste ou monarchiste, que ce soit durant la Révolution française ou même durant la Révolution de 48, la question sociale doit rester et est actuellement au cœur du débat. Et je pense que c'est actuellement là-dessus que ça doit, enfin essentiellement là-dessus que nous devons nous poser des questions et faire évoluer le débat. Sur la question de 4%, 4,7%, tant mieux que ça soit 4,7%, c'est beaucoup moins qu'au niveau national, tant mieux. C'est quand même pas, je pense pas que ça soit pour autant anodin. Parce que c'est 4,7% dans le réel des ronds-points, des manifestations, et hyperactif sur les réseaux, voilà, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut être un peu vigilant, parce que ces réseaux sociaux, pour tous les gens qui sont dans l'entre-soi, qui restent chez eux, qui sont les fameux cliqueurs, ça joue énormément dans l'opinion qui se font du mouvement. Et du coup, ces 4,7%, ils sont amplifiés, parce que l'espace politique d'extrême droite a une très très longue expérience du buzz sur Internet. Ils le font depuis longtemps et ils ont du personnel pour le faire et ils achètent de quoi cliquer de manière à ce que ça monte en puissance quand c'est des moteurs, etc. Donc il y a une connaissance que du côté de l'universalité des citoyens dont vous parlez, n'est pas aussi bien distribué. Voilà. Et ça, on peut en débattre à l'infini. Ce que je pense, c'est qu'on peut se considérer que même si c'est minoritaire, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, c'est tout. Après, si la question sociale est la question centrale, la première question doit être la question sociale. Et ce n'est pas le RIC, la question sociale. Le RIC, c'est un outil. C'est très important, les outils. Hein. Je vous ai parlé quasiment que d'outils au démarrage. Mais il n'empêche que dans le cahier de doléances, par exemple, j'ai amené un truc de cahier de doléances. La première question qui arrive, c'est qu'il y ait un seul et unique impôt, justement réparti sur toutes les classes des citoyens dans les trois ordres, à raison de leurs propriétés et commerces, sous le nom de subside, et en proportion des besoins connus de l'État, avec une demande de retour périodique de l'Assemblée de ceux qui décident des impôts, et qu'il n'y ait aucun impôt accordé sans le consentement préalable de la nation. Donc ça, c'est la première chose, et qui est la première chose pour rétablir la question sociale. Si ce n'est pas la première chose, ça veut dire qu'il n'y a pas aussi une évidence aussi partagée sur ce qui est prioritaire, etc. Et du coup, il faut des lieux pour en débattre. Et donc, c'est de ça dont on va débattre, sans doute. Moi, je voulais faire du coup, peut-être qu'on a évoqué la question de l'étranger, de l'extrême droite, je voulais faire transition vers la question de la violence. Et moi, je voulais faire un parallèle peut-être plus récent avec la question du mouvement Loi-Travail. Parce qu'en fait, plus ça va et plus je me dis qu'il y a un parallèle assez fort entre les deux mouvements. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui, dans les deux cas, commence à durer, à prendre la durée. Et donc, comme la Loi-Travail, quelque part, on a eu une première manifestation qui était très nombreuse, le 31 mars. Alors, ce n'était pas la première, mais c'était une des premières. Il y avait plus de 500 000 personnes dans la rue. Là, la première des Gilets jaunes, il y avait presque 300 000 personnes. Et puis, je ne sais pas si c'est directement lié à la violence, mais il faut reconnaître que, en fait, il y a une forme, l'effet de la violence a pu avoir aussi un effet de déclin dans le nombre de manifestants. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à cause de la violence, parce que malgré tout, si on voit, et il faut être honnête, si le mouvement a gagné quelque chose, s'il y a une réaction à ce point-là du gouvernement en face, c'est parce qu'il y a eu de la violence. Donc la violence, il y a quelque chose d'ambivalent avec la violence, et c'est lié à la question de l'effroi, c'est qu'à la fois, aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche, et tout le monde, même aujourd'hui, certains hommes politiques s'accordent à le dire, hein, même parmi les plus officiels, il n'y a que ça qui marche, et en même temps, c'est aussi une forme de limitation du potentiel de la mobilisation. Parce qu'on voit que dans les sondages, tout le monde, il y a plus de 50% qui soutient, mais on est dans des mobilisations de rue qui sont somme toute assez limitées. Je veux dire, on n'a pas un 11 mai 68, on n'a même pas les chiffres qu'on avait en 2010, en 2006, lors des grandes mobilisations contre le CPE, contre les retraites. Et je pense que là, on risque d'être... Là, on est dans une situation où c'est vraiment... On a un gouvernement qui dit, bon, de toute façon, on a cédé, maintenant, ils ne sont pas si nombreux que ça, on va taper. Et en face, on a des gens qui ne sont pas prêts à lâcher et qui se radicalisent et qui ont, quelque part, qui ont raison. Mais il ne faut pas s'enfermer non plus dans cette forme de ce que moi, j'ai pu connaître dans les mouvements étudiants, etc., de dire, bon, OK, on n'est pas si nombreux que ça, mais de toute façon, on se sent suffisamment nombreux pour y aller quand même. Et tous les samedis, on va être 50 000, 60 000. Là, je pense qu'il faudrait trouver, je ne sais pas comment, et je pense que c'est là aussi où les syndicats dont je fais partie hein, et d'autres gens d'autres partis ont une responsabilité de faire en sorte de ne pas laisser ce mouvement-là se faire massacrer, parce que là, quand on entend les propos de Luc Ferry, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais j'espère qu'on ne va pas atteindre un niveau de violence tel qu'il y aura un mort, etc. Et aujourd'hui, le pire, c'est qu'il y aurait un mort. Pardon. Oui, il y a déjà des morts, mais je veux dire, dans la manifestation, etc., on sent qu'il y aurait une forme d'acceptation de la part d'une certaine partie de la classe politique, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut à la fois, on sait que la violence a été nécessaire et quelque part, à mon avis, le sera toujours, mais il ne faut pas s'enfermer dans ce seul truc-là et il faut avoir en tête comment massifier ce mouvement-là. Quelle solution ? Avoir une grande mobilisation d'un million de personnes, 2 millions de personnes, pour montrer que c'est vraiment une démonstration dans la rue que c'est un mouvement majoritaire et populaire. Alors, j'ai l'impression qu'on enchaîne les questions, donc je vais essayer de ne pas perdre le fil de la mienne parce qu'il y a eu beaucoup de choses d'évoquer. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit par rapport à la violence et pour ma part, en tout cas, d'être là ce soir, c'est faire preuve d'intelligence et donc on est aussi tous responsables de nos intelligences. Et à ce titre, je voulais poser la question... qui a débuté l'exposé, qui était celle de comment se rassembler, converger, comment organiser des convergences. Donc j'étais très attentive à cette première partie de différentes assemblées, parce que quand je suis attentive à votre pensée, ça me donne des outils pour réfléchir le présent, ça ne veut pas dire qu'on va se calquer. Et j'ai le sentiment, évidemment, comme tout le monde, en fait, tout le monde, on sait qu'on est complètement usurpé à l'heure actuelle. Notre réalité est usurpée par les médias et par les représentations de la violence, plus que par la violence elle-même. De ce fait, j'aimerais que vous et d'autres, et nous tous ensemble, on continue à vraiment réfléchir sur ces outils de convergence, quitte même à propager des outils numériques différents de ceux qui sont très... surveiller. Du coup, j'ai participé et je continuerai à participer à faire connaître la plateforme Décidemos où on va faire des propositions aussi citoyennes. Il y a la question du débat où j'ai beaucoup aimé la question des clubs parce que ça ressemble à se rassembler, faire des propositions, être actif et surtout être dans notre diversité et toutes nos expertises. Moi, je n'ai pas de solution, hein, je suis juste présente à ça. Et du coup, pour moi, j'aurais aimé poser ça sur la table, il m'est semblé essentiel que même si, et surtout si, la question sociale est la première, en réalité, sans l'outil du RIC que vous citez quelque part avec la pétition, le droit d'adresse et de pétition, j'ai reconnu là ce qu'on réclame, le RIC, c'est-à-dire le droit qu'à partir d'un certain nombre de personnes réunies sous une forme pétitionnaire, eh bien, nous soyons entendus pour pouvoir proposer, abroger. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus de ce bidule ? Parce que je crois qu'on tient quelque chose, quoi, si on suit cette ligne. Et pour ce qui est de la violence, bravo à tous les courageux. Voilà. Sur le droit de pétition, vous voulez qu'on approfondisse ? C'est intéressant parce que le référendum... C'est pas exactement comme un droit de pétition, mais vous avez raison de mettre en lien. Parce que le but de la pétition, c'est d'obtenir effectivement une retraduction dans la loi. Et le RIC, c'est une manière de contrôler la loi aussi et de faire en sorte que le corpus des lois, enfin l'ensemble des lois, soit à la fois connu et décidé réellement par le mouvement populaire. Voilà. Parce que c'est ça, le RIC, finalement. Et c'est à différents niveaux. Mais pour pouvoir... C'est pas ça, donc vous allez m'expliquer. Parce que finalement, peut-être que chacun a un RIC différent dans la tête. Parce qu'il n'y a pas d'homogénéisation aujourd'hui. Et donc, il y a eu des énoncés qui ont été faits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça satisfait ou pourquoi ça ne satisfait pas, ou comment. Ce qui est extrêmement intéressant, si on essaye de faire des passages, c'est que la pétition n'existe que parce qu'il y a une délibération avant, comme on a aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce qui compte pour la démocratie du point de vue des révolutionnaires, c'est pas tant l'objet pétition en soi, c'est pas tant un vote qui viendrait, parce que le vote n'est pas quelque chose de très important pour les révolutionnaires, en fait. Ce qui est important, c'est la qualité de la délibération. Et c'est pour ça qu'ils inventent les clubs, pour que, justement, au moment où on est dans le conflit, que ce soit... sur le rapport aux monarchistes d'aujourd'hui, c'est encore autre chose, mais on peut aussi ouvrir le conflit. C'est-à-dire, ouvrir le conflit, c'est pas facile, parce que dans le démarrage d'un mouvement, il y a quelque chose qui se soulève, où on est quand même tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une unité, une fusion, un sentiment de force lié à ça. Cette force, quand on reconnaît que l'autre, il est dans un écart tel que on a envie de pouvoir lui dire « mais quand même, je ne suis pas d'accord », il ne faut pas avoir peur de perdre cette fusion. Mais si on n'ouvre pas le conflit, alors on n'élabore pas les questions. Et donc, bien sûr qu'il faut rentrer en conflit sur qu'est-ce que c'est que le RIC, bien sûr qu'il faut rentrer en conflit sur qu'est-ce que c'est la place des étrangers, bien sûr qu'il faut rentrer en conflit sur la question de « bien sûr, on ne sera pas pur, donc il ne s'agit pas d'être pur ». Et qu'on peut supporter qu'il y ait quelques personnes qu'on n'aime pas du tout dans le même mouvement. Voilà. Donc toutes ces choses-là, c'est produire l'espace de conflictualité qui permet la délibération. Il n'y a pas de délibération si on n'est pas en conflit. Donc il faut oser être en conflit. Oser être en conflit, c'est assumer ce que moi j'appelle la brisure d'utopie. Parce que le moment d'être où on est tous ensemble, c'est quand même le moment d'enthousiasme. On est heureux. Ça fait du bien. Mais quand ça s'arrête... ça se brise, et donc il reste les brisures. Il faut être capable d'assumer qu'un mouvement continue à carburer sur la durée quand il assume de se briser, de ramasser les débris et de reconstruire au fur et à mesure dans une ligne brisée, pas dans une ligne droite. Voilà. Et ça suppose que chaque moment qui est le moment de la brisure, ça soit un moment de délibération, et ensuite on produit la nouvelle chose, que ça soit sous la forme du RIC ou d'une pétition ou de je sais pas quoi, qui sera peut-être ni le RIC ni la pétition, mais encore autre chose. Et donc, je pense qu'on en est là. Voilà. Et qu'effectivement, si on cherche des passages, c'est qu'est-ce que c'est cet espace de délibération qui permet de... Voilà, j'ai assez parlé. Donc... José. Oui, avant de poser les questions des similitudes et des différences entre la Révolution française et aujourd'hui, je voudrais donner un complément par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport aux manifestations de demain, il y a un rendez-vous à 10h pour ceux qui vont à Paris, il y a un rendez-vous à 14h pour ceux qui veulent manifester dans Montreuil. Et je voudrais dire aussi que lundi, il y a l'Assemblée citoyenne qui se tiendra au 20 rue du Capitaine Dreyfus et qui a rassemblé lundi dernier plus de 120 participants. Et c'est là où on discute beaucoup des problèmes à la fois qui touchent à la vie sociale, qui touchent à la vie politique, qui touchent aux actions, un peu à tout. Voilà. J'en viens donc aux similitudes et aux différences. Parce que j'entends bien que beaucoup de gens font des comparaisons avec 1789. Mais je crois qu'on n'est pas en 1789 et on ne sera pas en 1789. On est dans une autre période, on est avec des gens totalement différents et on est dans des économies complètement différentes. Et donc, comparer des choses comme cela, il faut voir qu'il y a eu un lien, effectivement, entre le lien révolutionnaire, le lien qui nous unit à toutes les générations qui ont, par le passé, mené des luttes émancipatrices. Ça, oui, ça existe. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de différences énormes. Et il y en a déjà une importante. En 1789, la bataille pour avoir les États généraux, parce que les États généraux, ça a été un combat pour les obtenir. Donc, pour qu'il y ait la bataille pour les États généraux, il a fallu qu'il y ait des millions de gens qui bougent. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de gens qui bougent. Nous avons un pays de 50 millions d'adultes et nous sommes loin d'avoir une majorité de gens dans la rue. C'est un problème pour nous. Parce que si on veut gagner, il faut gagner la majorité, non pas une majorité virtuelle, comme c'est le cas actuellement. Parce qu'actuellement, on a à peu près 60%, 70% de gens qui sont à peu près d'accord. Mais ils nous regardent de la fenêtre et pour le moment, ils ne descendent pas dans la rue. Or, il faut qu'ils descendent dans la rue. Et là, on a un gros problème, un gros souci. Notamment, si on prend un exemple concret, la Seine-Saint-Denis, département le plus jeune et département le plus pauvre. Eh bien, on est loin d'avoir ces catégories-là dans la lutte, parce que sur la Seine-Saint-Denis, c'est dommage, hein, mais il y a Montreuil qui bouge, et puis, épisodiquement, il y a un ou deux ou trois endroits où ça bouge un peu. Mais voilà, il faut pas grossir l'événement. Il faut prendre la mesure des réalités. Nous, à notre assemblée, viennent des gens de Sevran, de Rosny-sous-Bois, de Romainville, de Bagnolet, je pourrais citer toutes les villes qui viennent. On a même des gars qui viennent de Paris, on a des gars qui viennent d'Orléans, on a des gens qui viennent un peu de partout. Et donc, je me pose la question, je me dis, mais alors, dans ces endroits-là, il faut quand même qu'il y ait des mouvements qui se créent, parce que sinon, on va aller à l'échec. Donc, voilà, les premiers éléments qui montrent que ce n'est pas la même situation. Deuxième élément, les clubs se sont formés, et c'est vrai, je suis d'accord avec ce que dit Mme Vanisch, c'est très, très intéressant, mais à l'époque, il n'y avait pas de parti politique. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre où il y a des partis politiques, donc déjà, il y a des clubs qui existent. Qu'on le veuille ou pas, mais c'est mon opinion. Chacun a le droit de donner son opinion. Donc, il y a des cadres très différents. Voilà. Donc, essayer de répéter ce qui s'est fait à cette époque-là serait, de mon point de vue, une petite erreur. La troisième idée que je voudrais développer, et j'arrêterai là parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses, mais la troisième, c'est que les gens... Actuellement, ceux qui sont dans le mouvement, c'est un mouvement très large qui part des petits patrons aux ouvriers, qui part des intellectuels aux chômeurs, qui part de catégories sociales en difficulté à des catégories qui sont des catégories moyennes comme moi je suis. Et ce n'est pas uniquement contre les partis politiques, il y a de tout. Dans ce mouvement, il y a de tout. Il y a des gens qui sont politisés, il y a des gens qui ne le sont pas encore. Il y a donc de tout. À partir de là, si on veut vraiment analyser ce qui est en train de se passer, je crois qu'il ne faut pas corseter. Ceux qui chercheront à corseter, et on l'a vu déjà depuis le début, eh bien, ils seront battus. Voilà, mais je n'en dis pas plus. Juste sur les usages de l'histoire, parce que... C'est pas juste un décorum, c'est-à-dire il s'agit pas de. Tout à l'heure, il y a une autre personne qui a pris la parole pour dire qu'il s'agit pas de mimer la révolution ou de plaquer ce qui s'est fait dans la révolution, mais il s'agit malgré tout. Il y a au moins deux usages possibles de l'histoire aujourd'hui. D'une part, savoir ce qui s'est passé dans d'autres époques pour se donner du courage et être en lien avec tous ces mouvements révolutionnaires. En termes de monuments, des gens ont cherché à être libres, ils ont réussi parfois à avancer vers la liberté, et donc on peut aussi avancer vers la liberté. C'est tout ce que je peux dire sur le futur. D'autres ont réussi à le faire, on peut réussir, mais on peut aussi rater. Voilà. Donc je n'ai pas de boule de cristal en tant qu'historienne. Par contre, en tant qu'historienne, et il me semble que ce qui est intéressant, c'est de partir du présent, d'aller ouvrir un laboratoire, de le questionner pour de vrai, c'est-à-dire en étant historiciste. Et les états généraux ne sont pas obtenus parce qu'il y a des luttes populaires pour obtenir les états généraux. C'est les nobles qui souhaitent les états généraux. C'est eux qui ne veulent pas payer la dette et qui ont décidé qu'il fallait des états généraux pour obliger la bourgeoisie, comme d'habitude, à donner de l'argent parce que l'ordre du clergé plus l'ordre de la noblesse, ils ont deux voix, les autres n'en ont qu'une, ils sont sûrs de gagner aux états généraux. Et donc c'est parce qu'ils sont présomptueux sur le fait qu'ils n'imaginent pas un instant qu'il pourra être subverti, cet espace, que la noblesse le réclame. Donc il faut savoir qu'il y a des choses à subvertir. Voilà, donc qu'est-ce qui est intéressant de savoir que les états généraux n'ont pas été obtenus par une lutte populaire, mais par les nobles. Eh bien, c'est qu'il y a des choses à subvertir et que dans ce qui apparaît, il faut avoir une intelligence de situation. Et donc, une intelligence de situation, ce n'est pas de plaquer les choses, mais de comprendre les dynamiques. Et donc, quand on fait de l'histoire et qu'on est en même temps engagé dans un lieu politique, ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement les objets, c'est les dynamiques. Voilà. Et dans la dynamique d'ouverture d'un mouvement, il y a des débuts et puis il y a ce qui se passe. Et on ne peut pas analyser uniquement le début et la fin, parce que c'est comme si on écoutait une conversation téléphonique avec « allô » et « au revoir ». Et donc la dynamique à l'intérieur détermine dans quel état on va dire « au revoir ». Je voulais revenir en deux petites secondes, faire une remarque. Et madame, si possible, avoir votre avis à nouveau là-dessus sur la question des étrangers. Je suis un peu étonné. Moi, je suis beaucoup moins méfiant, beaucoup plus optimiste, simplement parce que pourquoi se méfier a priori d'un mouvement, d'un nombre de gens du Front National, alors que, ben, pour le dire très vite, on a déjà une politique migratoire particulièrement dégueulasse, hein, en fait, depuis 2 ou 3 ans. Alors, elle n'est peut-être pas extrême du point de vue du classement politique traditionnel. Par contre, je peux vous dire, pour avoir déjà regardé ça avec ma députée, la députée de ma circonscription, qu'en termes d'indifférence, alors je voudrais avoir votre avis là-dessus, de rapport à d'autres, et d'indifférence, mais d'absence de réaction, depuis 3 ans, on est au fond. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas lieu de relativiser la menace par rapport à la situation actuelle, qui est déjà, enfin, je pense, très grave, quoi. 30 secondes et demie. L'indifférence, elle peut nourrir, au contraire, la possibilité de fabriquer encore plus de boucs émissaires. C'est-à-dire que si personne ne réagit, alors ça veut dire qu'ils peuvent être encore plus maltraités, c'est-à-dire qu'il y a une indifférence encore plus forte. Je ne sais pas si elle peut être encore plus forte, mais elle peut toujours être plus forte. Hein. Il y a quand même jusqu'à l'extermination, là c'est déjà un peu dans les mers, c'est très compliqué, c'est vrai dans tous les continents, et Trump a gagné les élections, et nous on a une politique migratoire horrible. Donc il y a des gens qui sont favorables à ça, sinon il n'y aurait pas autant d'indifférence. Après, si on veut se donner un peu du courage du bon côté de la tartine, il y a aussi des associations qui organisent la possibilité de recevoir des réfugiés, de les loger, d'aider. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes dans différents lieux. Voilà. Donc je pense que tout mouvement est traversé de toutes les contradictions d'une situation contemporaine et que de ce point de vue-là, justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est déjà dans une situation très, très dégradée à l'égard de la capacité à recevoir, à accepter, à accueillir, à considérer que c'est grave que l'Afrique subsaharienne meure dans la mer Méditerranée. On est peu, hein. Aquarius n'existe plus. Enfin, voilà, je veux pas. Il y avait tout à l'heure des gens qui travaillent sur ces questions-là. On est de plus en plus alarmés quand on travaille sur ces questions-là. Comparaison n'est pas toujours raison, dit-on, mais par rapport quand même à la Révolution, il y a quand même 2 choses. La première, c'est d'observer que lorsque l'on a la rédaction des cahiers de doléances, que demandent finalement les gens? Ils demandent beaucoup plus de justice, ils demandent la lutte contre un certain nombre d'abus. C'est ce que l'on observe aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il y a un contexte particulier. On a une cour, on a une élite qui est la noblesse, complètement coupée de la réalité du monde. Et aujourd'hui, nous avons une élite qui est complètement coupée de la réalité. Quand vous avez un député qui vous dit que les SDF le sont parce qu'ils le veulent bien, quand vous avez un ministre qui plus est des dépenses publiques qui vous dit que oh oui, c'est quand même très difficile, en effet, quand on gagne 900 euros, de pouvoir avoir un repas à 200 euros sans les vins, comme si même un repas à 200 euros avec les vins, moi je ne sais pas ce que c'est, un repas à 200 euros avec les vins, si à plusieurs peut-être, mais seul, non, je ne vois pas. Et en plus de ça, entretenu dans un mépris. c'est le gendre qui vous dit « Oui, mais le gouvernement a tellement été subtil, vous comprenez que nous, le peuple, nous n'avons pas compris, n'est-ce pas ?» Voilà. Et ça, c'est quand même des éléments que l'on retrouve. Alors, il y a deux choses. Une, c'est d'observer quand même le mouvement des Gilets jaunes, et on compris, se fait à l'étranger, en Israël, par exemple, en Hongrie. Alors, pas forcément pour les mêmes mobiles, mais voilà, je suis d'accord, il y a à réfléchir, mais enfin, il y a ce phénomène. Et puis, ce que je dis aussi parfois, quand je suis à l'étranger ou quand on discute sur la Révolution française ou avec des étudiants, je leur dis, ne l'oubliez pas, les États généraux ouvrent le 5 mai 1789, on a encore le respect du roi, moins de 4 ans après, personne, même le plus tortueux de nos hommes politiques, Talleyrand de l'époque, n'avait pu imaginer que moins de 4 ans après, le roi monterait sur l'échafaud. On peut peut-être continuer, mais je pense que c'est intéressant la question sur la violence, parce que si on intériorise à ce point, à ce moment-là, le courage ne peut pas surgir, et quand le courage surgit, il oublie en fait le risque. Bon, c'est un enjeu important, c'est-à-dire qu'il n'y a de révolution qu'au moment où on oublie le risque. Voilà. Et puis ensuite, je propose qu'on n'oublie pas ce fil. Voilà. Bonsoir. Je voudrais revenir sur la question de la violence, non pas du tout pour se lamenter une fois encore que les médias, etc., montent en épingle tous les incidents qui ont pu avoir lieu, mais surtout, enfin, alors, je ne lis pas tous les journaux, je ne suis pas 18 heures sur 24 sur Facebook, d'abord je boycotte Facebook, enfin bref, alors peut-être que je ne suis pas informée suffisamment, et à ce moment-là, je vais l'être, par vous tous et toutes, mais je trouve qu'il y a une dimension qui n'est pas suffisamment développée, me semble-t-il, c'est la notion de la violence que nous subissons. C'est-à-dire que la taxe sur le carburant, si ça fait, si ça a mis le feu aux poudres, si je puis dire, c'est parce que c'était vraiment la goutte qui faisait déborder le vase. Voilà, c'est-à-dire qu'on est victime de violence. Et si on commençait, si enfin on se décidait à aller monter vers le Haut-Montreuil, les gens sont résignés, c'est-à-dire qu'ils subissent cette violence des impôts qui augmentent, cette violence de la CSG pour les retraités, la violence de... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les exemples là, mais m'échappent, mais enfin, on ne va pas revenir, vous les connaissez. Il y a une forme de résignation. C'est comme ça, on ne change rien. Or, c'est cette résignation qu'il faudrait peut-être essayer de commencer à entamer un petit peu en allant dans ces quartiers défavorisés, enfin encore plus que la Croix de Chavaux ou le Bas-Montreuil, et commencer à dire que ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas quelque chose qui est là et qui est comme, la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est le résultat d'un système économique et que là-dessus, on peut effectivement y faire quelque chose. Et que la violence, c'est nous qui en sommes victimes, c'est eux qui sont victimes. Bon, c'est vrai, je fais partie des classes moyennes, donc je ne vais peut-être pas pleurer sur mon sort, encore que, bon, bref. Mais voilà, il y a des gens qui sont bien moins bien lotis que moi et qui subissent cette violence, mais qui la subissent d'une façon... Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, on est résigné. Voilà. Et ça, je pense que ça serait un levier pour essayer de faire qu'on soit un peu plus nombreux, notamment dans les manifs, etc. Voilà. Alors, là, du coup, je ne sais pas si on est une société ou un club, mais peut-être on est un tout petit peu nombreux pour vraiment partager les divergences et vraiment discuter, ou alors il nous manque un petit peu de temps. Mais bon, on va voir ce qu'on en fait. Je vais répondre par rapport à des choses qui se sont dites, et puis après, je vais aussi dire d'autres choses. Par rapport, on va dire, aux gens de la Seine-Saint-Denis qui ne sont pas forcément dans les manifs et tout ça, je ne vais pas forcément faire de la... Enfin, peut-être c'est de la sociologie de comptoir, mais il me semble qu'il y a plein de jeunes gens qui ont participé aux manifestations et on va dire même à... Là, pour le coup, c'est pour ça que je dis un peu sociologie de comptoir, mais même à des formes de confrontation avec la police ou de forme de pillage de certains magasins ou quoi, et je pense qu'il y a quand même peut-être plein de gens du 9-3. Du coup, ils sont là, il ne faut pas toujours aller les chercher, quoi. Il n'empêche que ce serait bien, et là parce que je participe aussi au lieu ici, au piquet de gilets jaunes à Montreuil, qu'on aille aussi dans d'autres quartiers. Et pour le coup, moi j'habite dans le Haut-Montreuil et du coup à La Boissière, et en effet ce serait bien qu'on fasse un petit piquet peut-être une fois par semaine dans un autre quartier, par exemple à Montreuil, même si le fait d'être à Croix-de-Chavaux, comme ce soir, ça permet qu'il y ait des gens qui reviennent avec un sac plein du bio d'à côté et qui nous donnent toutes les petites choses là qu'on a mangées, les galettes bio, le maroilles bio, enfin voilà, peut-être qu'à La Boissière ça n'arrivera pas, mais on verra. Donc voilà. Après, c'était juste pour dire aussi que malgré tout, ce qu'on peut porter aussi, c'est que ça fait des années qu'on n'avait rien gagné, quoi. Que depuis, je ne sais pas ce que c'était, enfin, je ne sais pas, depuis 2003, enfin, le CPE, quoi. Le CPE, mais il n'empêche qu'il y avait juste une chose qui avait été enlevée, mais la loi pour l'égalité des chances, elle était passée. Et que depuis ce moment-là, on n'avait rien gagné, même pas une petite miette, quoi. Et là, rien que ça, enfin, c'est déjà pas rien, même si on sait tout ce, que, enfin, voilà, tout ce qui a été annoncé, qu'en gros, ce n'est pas grand-chose, mais que c'est aussi une sorte de chose à porter, de continuons pour continuer à gagner des choses. Et que pour le coup, cette forme un peu que ça prend ce mouvement, c'est un peu incroyable. Et ça déjoue aussi un peu tous les réflexes militants, quoi. Et qu'il n'y a rien qu'à voir à Paris. Enfin, après, là, c'est juste pour repartager un petit peu de joie, quoi. Mais quand on voyait, c'est des choses qu'on voulait faire depuis des années, quoi. Et quand on voit tous les quartiers à côté des Champs, à côté de Saint-Lazare et tout ça, où toutes les boutiques, elles sont fermées, qu'il y a les panneaux de contreplaqué qui sont contre les boutiques, que Paris est totalement habité autrement ou quoi, mais c'est incroyable, quoi. Bon, après, on verra si on va le revivre. Mais en tout cas, de l'avoir vécu au moins une fois, franchement, c'était trop bien. Donc, on va voir comment ça continue. Après, il y a l'histoire de voir aussi, là, je vois bien à Montreuil, on est confronté à se dire, OK, il y a manif tous les samedis, du coup, à Paris. Et sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait à Montreuil? Et pour le coup, alors, je sais que dans les têtes, il y a un petit peu ces histoires aussi de cahiers de revendications, enfin, de voir comment on peut travailler à ça. Et il me semble qu'il y aurait des formes de... qui soit pas le RIC ou quoi, mais de trouver des formes concrètes et locales de rapport de force et, on va dire, d'obtenir des choses qui pourraient être... Après, pour le coup, moi, j'ai participé longtemps à des collectifs de chômeurs et précaires. Alors, je ne sais pas si ça peut se rejouer pareil ou je ne sais pas, mais en gros... Bah, d'aller soutenir les gens quand ils n'ont pas les droits à la CAF, d'aller demander la municipalisation de l'eau, de demander des réductions de factures EDF. Enfin, peut-être qu'il y a des choses... OK, je me dépêche. Donc, il y a des choses comme ça localement à agir, quoi. Ouais, je veux... Ouais, bah, peut-être que... À ce moment-là, vous me répondrez pendant la synthèse. Parce que moi, je ne suis pas du tout de Montreuil, je viens de Seine-et-Marne. Donc je suis venue là parce que j'ai vu donc votre réponse au deuxième appel de Commercy et le fait que vous alliez vous rendre à Commercy. Donc je voulais savoir ce que vous comptez donc transmettre aux gens de Commercy. J'ai trouvé extraordinaire, j'ai trouvé très bon aussi votre appel. Et donc voilà, où vous en êtes-vous dans vos luttes, dans cette convergence justement avec d'autres groupes? Moi c'est ça qui m'intéresse, comme dans mon secteur. Les gens circulent sur les ronds-points, ils font acte de présence. Pour l'instant, ils en sont vraiment au tout petit début de la réflexion. Ils disent des choses super intéressantes, mais eux, ils en sont vraiment tout au début par rapport à vous. J'ai l'impression que vous êtes allé un peu plus loin quand même. Et donc, je voulais savoir où vous en êtes, ce que vous voulez transmettre aux gens de Commercy ou à d'autres groupes éventuellement, si vous êtes en lien avec d'autres groupes, comment vous faites justement pour essayer de converger et de vous joindre. Comme ce qui m'a intéressé principalement dans ce que tu as dit, Sophie, c'est tout le départ de ton intervention. Que faire pour se rejoindre, pour agir ensemble? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, donc j'attends vos réponses. Je suis venue pour ça. On garde la question en tête. Je vais juste faire un petit point d'info. Après, on a deux camarades, parce qu'on a vu beaucoup de gens partir, donc du coup, elles vont essayer de faire une petite synthèse quand même rapide, ce qui n'interrompt pas la discussion, mais ce qui sera une manière de bien se remettre en tête tous ces échanges qu'on vient d'avoir. Et donc, je passe le micro à nos copines qui sont tentées, ce qui n'est pas facile du tout, une petite synthèse. Donc, on va faire ça très rapidement. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Juste pour... donc, nous, ce qu'on a repéré, c'est effectivement, en gros, 5 points. Le premier a été débattu et évoqué les raisons de réexplorer l'histoire et la façon dont on pouvait donc réinterroger donc, la Révolution française avec les points de comparaison, mais aussi, surtout, la question de sa dynamique. Le deuxième gros point qui nous est apparu, c'est, enfin, qui a été débattu, c'était la place de l'extrême droite dans le mouvement, la façon dont on pouvait la chiffrer ou pas, et le positionnement qu'on pouvait déterminer face à elle. Et là-dedans a été aussi évoqué, en lien avec cette question, le RIC, puisque en se demandant, en disant qu'il y avait des origines du RIC dans des positionnements d'extrême droite, mais a été aussi évoqué la place que le RIC pouvait avoir dans les revendications par rapport à la question de la justice fiscale. Ok. Et donc, trois autres points. La question de la violence, donc la violence sur la répression, l'intériorisation de cette répression et donc l'impact de cette répression sur la mobilisation des gens, ceux qui ont peur d'aller en manifestation. Et voilà. La question de la violence institutionnelle, la précarité, la violence de la précarité, qui entraîne une certaine forme de résignation, et que finalement, alléger cette résignation, ce serait peut-être un levier pour mobiliser plus de personnes. Donc de là l'idée de se rapprocher de collectifs de précaires, par exemple, de chômeurs précaires. Et une autre question qui est revenue un petit peu de temps en temps, sur la question de l'organisation et de la convergence, notamment par rapport aux banlieues, aux quartiers ou à d'autres villes comme Commercy. Voilà. C'est tout pour la synthèse. Alors, juste très rapidement, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que la question des assemblages que j'avais évoquée au début, effectivement, il faut la creuser. Donc l'assemblage à Commercy, c'est une proposition. Et ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette réunion, quelque chose en sorte et que ça ait un pouvoir normatif, c'est-à-dire que ça produise quelque chose qui a des effets ailleurs qu'à Commercy, bien sûr, mais ailleurs aussi que des gens qui auront été présents à Commercy. C'est ça, avoir un effet normatif, ça produit une norme pour les autres. Et donc, c'est extrêmement important de bien préparer ce qui va se dire à Commercy, et éventuellement que ce soit un cahier de doléances qui en sorte ou autre chose, parce que doléances, c'est un mot d'Ancien Régime quand même qui veut dire douleur et deuil. Peut-être qu'il faut être plutôt dans les cahiers d'affirmation, de revendication, enfin j'en sais rien, il y a d'autres mots. Mais toujours est-il que ce qui est important, c'est d'avoir des sortes de matrices, parce que l'assemblage, il ne se fait pas uniquement d'une manière concrète par la présence des corps comme ce soir, il se fait aussi par la circulation de textes ou de documents qui font matrice et qui peuvent circuler d'un lieu à un autre et qui vont ensuite être juste corrigés d'un lieu à un autre avec les spécificités locales. Mais que s'il n'y a pas ces matrices qui se mettent en place, ça reste épars, ça reste fragmenté. Et le propre des sociétés néolibérales, c'est d'avoir produit une fragmentation extrême. Et donc, la victoire, c'est de défragmenter. C'est comme pour les ordinateurs, on est dans des sociétés qui ont besoin d'être défragmentées. Moi, je suis très nulle pour défragmenter les ordinateurs, mais je pense que les textes matrices, c'est important d'essayer de les fabriquer, de les proposer, et d'ici Commercy, d'avoir des textes qui circulent à l'intérieur de ce club, de votre assemblée citoyenne, des différents lieux qui vont aller avec des porte-parole ou pas des porte-parole, mais en tout cas de gens qui vont aller à Commercy, et que du coup, vous arriviez non pas en spectateur, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, mais en acteur qui fasse force de proposition, et que du coup, au sortir de Commercy, il y ait ce texte normatif qui soit déjà accepté par beaucoup de gens. Voilà, ça c'est une des possibilités de fabriquer de l'assemblage par des textes normatifs. Après, il y a ces histoires de circulation de correspondance, et puis il y a ce droit de pétitions et d'adresses qui peut prendre la forme multiple et variée. Je pense qu'il y a besoin d'ouvrir le débat sur qu'est-ce que c'est le RIC, qu'est-ce qu'on en attend, est-ce que c'est le bon terme, est-ce que, voilà, c'est extrêmement important parce que c'est important de reconquérir la souveraineté populaire. J'ai beaucoup parlé trop longtemps. Donc ça va, ça fonctionne. Donc je vais essayer de faire vite parce que j'ai déjà parlé, donc il faut que j'aille vite. Donc un truc qui était super important que vous avez évoqué là, madame l'historienne, c'est le temps de la délibération, c'est super important, c'est quelque chose de super important. En fait, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? Et comme on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais été en démocratie, on n'a jamais été habitué. Et là, une deuxième chose, et quand vous parliez de Saint-Just, et ça, c'est pareil, c'est deux choses qui sont intemporelles, hein, qui étaient vraies chez les Grecs dans l'Antiquité, qui ont existé à la Révolution française. Un truc qui est super important, c'est que les gens s'impliquent. Aristote, il disait, Aristote, hein, qui observait la démocratie dans l'Antiquité grecque, et c'est vrai qu'au niveau rationalité, ils ont vraiment tout pensé, quoi. À part que les femmes étaient exclues, les esclaves étaient exclus, je sais bien tout ça, hein, évidemment, ça c'est super important, mais voilà. au niveau rationalité, ils ont tout. Donc Aristote, il disait un citoyen, c'est celui qui est capable d'être gouverné, mais aussi celui qui est capable de gouverner. En fait, il faut que ça tourne. Ça tourne tout le temps. Il faut que tout le monde s'implique. Et c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment un gros problème. C'est vraiment un super problème. Donc maintenant, voilà. Ça, c'est une chose super importante. C'est, le problème, c'est de l'implication. Une démocratie, ça fonctionne si les gens s'impliquent. Et on n'est pas habitué. On est habitué à déléguer nos pouvoirs, à les filer à des représentants, à des intellectuels. Les gens, ils lisent pour nous, ils parlent pour nous. Il y a des experts. Voilà. Alors qu'en fait, on s'est... Une assemblée, c'est super fort au niveau intelligence. Je vais vite. Donc, un truc super important qu'il faut parler, c'est du RIC. Et il y a une autre chose dans la démocratie qui est vachement importante, c'est le contrôle. C'est le contrôle des élus, le contrôle de tout. Voilà, tout doit être transparent. Et ça, c'est super important. Et le RIC, c'est en ça qu'il est révolutionnaire. Donc, j'entends tout le temps dans les assemblées que le RIC, il y a des politiciens qui l'auraient proposé, que le RIC, il existerait dans des pays. Eh ben non. Le RIC, que les gilets jaunes proposent, il a existé il est nulle part et il est vraiment super révolutionnaire et il tient en quatre, je suis obligé hein. Abrogatif, révocatoire, législatif et constituant. Mais c'est super important, c'est révolutionnaire. Et sans ça, vous pouvez avoir n'importe quelle revendication. Vous pouvez en proposer des millions. S'il n'y a pas de contrôle sur et ben vos revendications, regardez le SMIG. Regardez comment on s'est fait avoir en 68 avec les accords de Grenelle. Regardez comment on s'est fait avoir. Voilà. Si vous prenez, par exemple, le SMIC, vous proposez le SMIC, bah, ok, on est content, on a augmenté le SMIC, bah, après les prix augmentent, puis votre SMIC, bah, il ne vaut plus rien. Et c'est tout est comme ça, il faut un contrôle permanent sur les choses. Et le RIC, c'est ce qui permet ça. Et c'est ce qui permet toutes les revendications, c'est super important. Voilà. Donc, moi, dans ce mouvement des Gilets jaunes, j'ai vu la subversion dans le fait que bah, finalement, des exploités, des travailleurs, des chômeurs, eh ben, ils sont engouffrés dans une brèche qui a été ouverte aussi par une partie de la bourgeoisie, une partie des partis bourgeois, qui avaient quelques raisons d'en vouloir à Macron. Ça me fait penser aussi un petit peu à la Révolution française quand même. Le roi, il a contre lui une partie de la noblesse qui ne veut pas payer l'impôt. Et avant les Gilets jaunes, il y a eu les bonnets rouges aussi, en Bretagne. C'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui, il a contre lui une partie de la bourgeoisie pour un certain nombre de raisons diverses et variées, parfois très conservatrices. Et en fait, Macron, quand on dit c'est les banques, je pense que on n'est vraiment pas loin de la vérité. C'est-à-dire que on a aujourd'hui un gouvernement qui représente les invisibles et pas l'ensemble de la bourgeoisie bien établie, bien institutionnalisée, bien enracinée. Et c'est ça qui a fait sa faiblesse. Aussi, sa faiblesse à ce gouvernement, c'est d'avoir pensé qu'il était plus fort qu'il l'est réellement. Le rapport de force, le rapport de force entre les classes, il est plutôt en notre défaveur. Mais en haut, ils ont considéré que tout leur était permis. Aujourd'hui, on a des dirigeants d'entreprises, des technocrates qui sont sans limite, qui considèrent que ce qu'on gagne, c'est ce qu'on vaut, qui considèrent que... moi, j'ai entendu dans des commissions paritaires des représentants de grosses boîtes, des juristes, des spécialistes dire qu'avoir 3 heures de repos entre 2 journées de travail, c'était normal et c'était légal. Vous voyez, dans des commissions paritaires, dans des commissions de branche, voilà dans quel état d'esprit ils sont. Et ça, c'est insupportable. Et ça, les gens, les travailleurs, ils n'en peuvent plus de ce mépris. Hein. Ah, tu gagnes le SMIC. Ah, bah, c'est ce que tu vaux, t'es de la merde. Voilà, bah, ça, on n'en veut plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une bourgeoisie, une open class, là, sans limite, sans valeur. Ils sont prêts à tout vendre, tout foutre en l'air. Et la révolte, eh ben, elle vient de là. Elle vient de là. Après, je conclue. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de rond-point, c'est un mouvement de extérieur à l'entreprise. Et pourtant, c'est dans l'entreprise que tout se passe. C'est là où il y a le rapport d'exploitation. C'est là où il faut se battre. mais on n'est pas assez fort dans l'entreprise pour se battre. Alors, on est à l'extérieur. Mais c'est un réveil, le mouvement des Gilets jaunes, et qui doit préparer notre retour dans l'entreprise. Voilà, des assemblées, des ronds-points aux assemblées dans l'entreprise. Bon, j'ai entendu dire qu'on avait remporté une petite victoire, un petit recul du gouvernement, et que ça faisait plaisir, puisque depuis longtemps, il n'y avait rien eu, à part 2006, le CPE. Dans d'autres assemblées, j'entendais dire aussi, à part le CPE et le référendum de 2005. Mais le référendum de 2005, je signale, c'était la victoire du non de gauche et du non de droite. Et le non de droite et d'extrême droite, il n'était pas de 4,7%. Hein, il était au moins de 20 ou 25%. Donc, moi, je ne le considère pas comme une victoire, ce nom de mai 2005. Hein, parce que, d'abord, parce que quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il est passé par-dessus. Et ce qu'on avait refusé au moment du référendum, nos chers députés, nos chers sénateurs l'ont accepté. Bon, mais je voudrais dire autre chose à propos de ce petit recul du gouvernement. C'était un recul sur 2 ou 3 points. Hein, le 1,7% des retraités, le SMIC, enfin, etc. Mais il y a un point qui n'est pas une victoire, qui est au contraire un échec, c'est l'histoire des heures supplémentaires qui ne sont plus soumis à impôts et soumis à cotisations patronales et salariales. Ça, c'est un coup de couteau dans le dos des chômeurs. Parce que tout ce qui favorise les heures supplémentaires, c'est au détriment des chômeurs. Seuls les imbéciles ne le comprennent pas. Ce qu'on peut comprendre, c'est que les gens qui ont des très bas salaires soient contents qu'en faisant des heures supplémentaires, ils arrivent à vivre un petit peu mieux, mais ils devraient avoir des salaires juste pour 35 heures de travail, et non pas en faisant 40 ou 45 heures. Bon, maintenant, à propos de la violence, c'est vrai qu'elle a dû jouer un rôle dans ce petit recul du gouvernement. Non pas parce qu'il y avait des vitrines de cassé, des choses comme ça, mais que ça se passait sur les Champs-Élysées. Des vitrines de cassé, j'en ai vu quelques-unes dans les manifs qu'on a faites contre la loi travail, contre les ordonnances Macron, etc., etc. Mais c'était dans des quartiers moins prestigieux, ça avait moins d'impact sur l'éventuel recul du tourisme dans les beaux quartiers de Paris. Mais il y a autre chose qui a joué dans le recul du gouvernement, c'est que les Gilets jaunes, ils sont entrés en lutte pour gagner, ce qui n'est pas le cas des luttes auxquelles nous participons, moi le premier, dans nos syndicats. Quand les syndicats, même quand ils sont tous sur le coup, ce qui est rare, mais enfin, quand ils sont plusieurs sur le coup, ils veulent faire leur BA, une belle manif, mais ça se limite à ça. Et là, les Gilets jaunes, eux, non seulement tous les samedis, mais même en semaine, hein, il y avait des barrages, il y avait des ceci et des cela. Il faut conclure, voilà. Monsieur. Oui, il faut conclure. Voilà. Bon, faut conclure. Allez-y, une phrase de conclusion si vous voulez. Hein. D'autres choses qui n'ont pas été évoquées, c'est l'histoire de l'énorme différence entre 89 et maintenant, c'est qu'en 89, il n'y avait pas d'organisation, à part les corporations, mais qui n'avaient pas un rôle vraiment revendicatif. Tandis que maintenant, il y a beaucoup d'organisations et les gens n'en sont pas satisfaits parce que les plus importantes sont ronronnes. Elles ne sont pas décidées à changer le système de fond en comble, à prendre les moyens par des luttes continues. Merci. Voilà. Merci, merci. C'était pour revenir juste sur l'exemple breton qui, moi, m'a pas mal parlé. Sur le fait que les plus méfiants et d'une certaine façon les plus préparés étaient des personnes qui avaient déjà vécu l'arnaque des nobles, de certaines formes de représentation et des choses comme ça. Et moi, ça me fait penser qu'il y a vraiment un enjeu, et c'est ce qu'on fait ce soir, à non pas comparer, calquer, etc. Enfin, non pas calquer, mais oui, quand même, à essayer d'aller voir certaines dynamiques dans des expériences soit historiques, soit plus proches, mais à d'autres endroits. Là, je pense à d'autres situations révolutionnaires ou insurrectionnelles. On peut penser à la Tunisie, à la Syrie, à l'Égypte, pour celles que je connais un peu, ou à aussi l'Espagne de 2011, à la Grèce de 2008 à 2013. Et je crois qu'il y a vraiment un enjeu à écouter les paroles qui viennent de ces endroits-là, à inviter les gens qui ont connu des situations comme ça, pour sortir un peu du contexte franco-français. Et là-dessus, moi, je pense juste à un truc, encore une fois, sur des dynamiques. Et quelque chose qu'on voit souvent, en tout cas dans ces expériences que je viens de citer, c'est quelque chose comme une partie des personnes qui participent au mouvement qui vont très vite aller demander des libertés institutionnelles, des assemblées constituantes, des nouvelles, choses comme ça. Et à côté de ça, des gens qui demandent des changements peut-être plus généraux, j'en sais rien, mais en tout cas des changements notamment au niveau des conditions matérielles. Et ça m'emmène juste à me dire, et je vais terminer là-dessus, mais juste à me dire que je pense qu'en fait, les personnes qui vont être si acharnées, si fanatiques pour demander le RIC, et je ne pense pas que le RIC est spécialement une mauvaise chose, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, mais de le passer comme une limite, une borne au mouvement qui est en train de se passer, je trouve ça je trouve ça dommage. Et des gens qui vont demander ça à ce point, je pense que ce ne sont pas les mêmes personnes que ceux qui font des pillages dans les Lacoste, dans le centre de Paris. Voilà. Ouais, alors du coup, moi je suis restée complètement sur l'idée de l'arpentage qu'on avait donc fait. Donc je suis complètement étonnée de s'être éloignée de ça, mais je vais tenter. Donc l'idée c'était d'avoir entendu des choses sur par exemple, le nombre de représentants qui prennent la parole. Il y avait une idée qu'il y avait un chiffre qui était trop et ça devenait impossible, et un chiffre qui était moindre et il était détourné. Et je me demandais si dans les expériences passées, il y avait eu justement des expérimentations qui avaient donné des solutions ou des idées de nombre de personnes qui pouvaient représenter et que la parole générale souhaitée par l'ensemble était respectée, si ça existait, si on pouvait s'en inspirer. Voilà, j'étais plus dans cette dynamique. Voilà, je m'arrête là. Je vais répondre à la dernière chose, parce que c'est la plus facile, c'est sur la question des nombres. En fait, pour les révolutionnaires, le nombre moyen des assemblées primaires, c'était entre 200 et 600 citoyens. 200 et 600, parce qu'on sait qu'il n'y a qu'une partie des citoyens qui se déplacent. Si vous mettez moins de 200, il n'y aura plus assez pour que ça soit représentatif. Ça sera comme l'affaire du sondage du Monde. Et si vous mettez plus de 600... Et bien, de toute manière, il y aura toujours trop et on ne pourra jamais débattre. Voilà. Donc, c'était un calcul comme ça, et c'est très concret. Et je trouve que ces choses très concrètes qui ont été réfléchies par les révolutionnaires, pour le coup, on peut leur faire confiance. Ensuite, il y a la question de la politisation. Je trouve que c'est un mot qui est extrêmement important à déplier. Parce que tout le monde n'a pas la même conception de la politisation. Et même si le monsieur est parti, j'imagine qu'il y a d'autres qui ont la même conception que lui. Dans ce qu'il a dit sur « il ne faut pas politiser le mouvement », c'est qu'il ne faut pas que le mouvement entre dans les institutions politiques telles qu'elles existent aujourd'hui, sous forme d'élections, etc. Et ça, on peut être d'accord avec lui. Voilà. Ou pas, mais on peut. Voilà. Je pense, par contre, si on est dans la politisation, au sens où il ne faut pas faire clivage au sein même du mouvement des Gilets jaunes, et qu'il ne faut pas produire du débat en son sein, je pense que c'est l'inverse. Le mouvement des Gilets jaunes ne pourra avoir une portée politique que s'il assume la conflictualité et qu'il est capable de l'élaborer dans ses délibérations et du coup de produire des propositions qui deviennent normatives et qu'on sorte donc de cette conception extrêmement hétérogène, c'est-à-dire s'il est capable de se doter de ses propres institutions. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est le moment actuel et ça s'appelle aussi de la politisation. Ensuite, il y a politisation au sens des grands schémas idéologiques qui circulent dans une société. Et c'est une politisation au sens de ce qui se passe avant et qu'on porte en nous, parce qu'on n'arrive pas comme le petit poussin sorti de l'œuf dans un mouvement. Même si on n'a pas été de sa vie à une manifestation, on n'est pas resté en dehors du monde. On a regardé des choses à la télé, on a regardé des choses sur les réseaux sociaux, on a des copains, on discute le soir, on plaisante de certaines choses, pas avec n'importe qui, mais quand même. Et donc on est politisé parce qu'on est idéologisé, qu'on n'est pas à l'abri comme ça, comme si on était de nulle part. Et donc les gens sont porteurs de ces idéologies, ils sont déjà politisés, même s'ils ne se pensent pas politisés. Mais ils ne savent pas que ça s'appelle aussi politisé, c'est pas très grave, mais nous on peut en discuter. Parce que du coup, il faut réfléchir sur ce qui s'est passé les 15 dernières années et qui est-ce qui a effectivement travaillé à ce qu'on appelle une hégémonie culturelle. Hégémonie, ça veut dire que tout le monde pense la même chose. Eh bien, ceux qui travaillent à l'hégémonie culturelle ne sont pas les plus émancipateurs. Voilà, ne sont pas ceux qui veulent la liberté et le bonheur. En tout cas, pas pour tous. Donc, il y a quelque chose dont il faut se méfier, qui peut ressurgir dès que le mouvement va être un tout petit peu plus calme. Voilà, parce que cette culture-là, elle est ancrée. Et donc, je veux bien admettre que même des gens qui font des quenelles ne sont pas nécessairement d'horribles néo-nazis. Mais enfin, et c'est quand même pas terrible. Voilà. Et donc, ça a circulé beaucoup, beaucoup. Et ça a circulé. Mes enfants, ils étaient au collège, ils sont maintenant à l'université. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment ancré. Il faut s'en méfier quand même. Il ne faut pas être complètement naïf. Voilà. Et donc, ça, c'est une autre registre de politisation. Donc, il y a les formations idéologiques. Il y a la manière dont on est capable d'assumer le conflit et la manière dont on fabrique des institutions. Ce n'est pas la même chose, mais c'est de la politisation dans les trois cas. Et donc il faut que les Gilets jaunes soient politisés, même s'ils ne veulent pas des institutions actuelles, il va falloir se doter d'autres institutions. La question, c'est si on fabrique des institutions qui ne sont pas celles de la Ve République, par ces assemblées, et si elles se généralisent, eh bien, ça produit du rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a la manifestation dans la rue, ok, c'est une des formes du rapport de force, mais si les gens commencent à compter non pas le nombre de personnes dans les manifestations sur les Champs-Élysées ou ailleurs, mais qu'on commence à compter le nombre d'assemblées populaires qui se sont tenues et qui se sont enregistrées, et combien il y avait dans ces assemblées populaires, etc., peut-être qu'il y aura plus de monde, parce que effectivement, nul n'est tenu d'avoir envie de se prendre les gaz lacrymogènes. Voilà, je veux dire, c'est vrai que c'est rude, et c'est vrai que moi, je suis admirative de cette capacité à y aller, parce que c'est pas si facile que ça. Et moi, je me souviens, quand ça retentissait sur la place de la République, j'aimais déjà pas ça, donc, pour le mouvement contre la loi travail. Donc, il y a bien quelque chose qui se joue dans les manifestations, dans le rapport de force, mais il y a aussi quelque chose qui se joue dans le rapport de la multiplication des assemblées. Et ça, c'est, voilà, on ne peut pas le prévoir. Mais si ça se multiplie vraiment, il y a du monde. Quoi. Ça devient quelque chose. Et je peux juste poser une question sur le passage. Voilà. Si, ça marche, ouais, c'est bon. Très rapidement, quelques observations. Hein. Comparaison n'est pas raison. Donc, effectivement, nous ne sommes pas en 1789, mais il y a quand même... des relents et quelque chose d'un processus un peu révolutionnaire hein, dans ce qu'on est en train de vivre. Je ne veux pas développer. Deuxième chose sur le RIC. Moi, je n'en fais pas un étendard de cette question. Hein, mais il ne faut pas sous-estimer cette revendication parce qu'elle porte la question d'une réappropriation des pouvoirs pour les citoyens et de droits nouveaux de pouvoir pour les citoyens. Et je ne suis pas un spécialiste de la Révolution française, mais je crois que la question du suffrage, et notamment du suffrage censitaire lors de la Révolution française, était également posée par ceux qui en étaient exclus. Et que ça faisait partie également de leur revendication pour étendre le champ de la démocratie et le champ des pouvoirs. C'est cette question qui est posée au travers du référendum d'initiative citoyenne. C'est un vaste sujet, mais c'est cette question qui est posée. Troisième observation sur la question des banlieues. Nous sommes ici à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Quelques personnes ici l'ont évoqué. Je pense que, entre autres, il y a une dimension qui n'est pas encore prise en compte dans nos quartiers, dans nos villes, c'est la question des populations qui y habitent et de la diversité des populations qui y habitent, et notamment de la question des discriminations dont beaucoup de ces populations font l'objet. J'ajoute qu'elles ne sont pas en dehors du mouvement. Et chacun sait ici, probablement, que notamment le comité Adama, qui a participé aux premières manifestations de novembre, sera à nouveau demain dans la rue et elle appelle les populations des quartiers à 10h à Saint-Lazare. Voilà. Enfin, dernière observation, ce mouvement, il ne pourra gagner et avancer politiquement, y compris dans le conflit, hein, par rapport à ce que vous dites, que si on massifie le mouvement, d'une part, et je pense, et que si effectivement ça a été dit, il y a des convergences et des assemblées, des relations qui s'instaurent de manière plus précise, plus concrète, de groupes, de coordination à coordination, et c'est aussi un enjeu en Seine-Saint-Denis. Hein. Moi, j'avais envie de revenir sur le fait de trouver des liens justement entre les différentes clubs, réunions, etc. Moi, je trouve ça super ce qui se passe ce soir, c'est très bien. Et ça se passe partout. Enfin, je veux dire, il y en a plein partout, ailleurs, en province. On ne dit pas en province, c'est mal, mais partout, dans plein de villes, etc. Et il se trouve que, bon, moi, j'anime une émission de radio. Et lundi, mardi, mercredi, on a fait des micros ouverts sur Toulouse, Saint-Nazaire, l'Ariège, Marseille, pour avoir un peu comme ça des points de vue d'autres collectifs ailleurs en France. Et du coup, c'est vraiment super intéressant parce que eux, ce qu'ils nous racontent, c'est depuis la rentrée, ils sont beaucoup plus nombreux dans les assemblées générales. Il y a un problème, c'est le fait que dans certaines régions, les ronds-points ont été dégagés, pas dans d'autres, ça dépend des endroits, mais qu'il y a des réunions et que dans ces réunions, il y a beaucoup de monde qui y débattent. Donc c'est super, c'est plutôt bien, ça veut dire que le mouvement n'est pas mort, qu'il est en train de poursuivre son existence et de se constituer, enfin de s'enrichir. Il y avait le texte de Saint-Nazaire qui est sorti avec une plateforme de revendication. Il y a le texte de Commercy. Je pense que nous, on doit partir aussi de ce qui est proposé pour le discuter, l'amender et puis en faire notre texte pour que les choses puissent avancer. Également, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, par exemple, sur le sud de la France, l'Ariège et Toulouse, en tous les cas, et même sur Saint-Nazaire, ils prévoyaient des journées communes. Par exemple, jeudi dernier, ils ont été devant les Bourses du Travail pour appeler les syndicats à se mettre en mouvement, en se posant la question, en se demandant pourquoi ils ne se mettaient pas à faire les appels que nous attendons tous à une grève, et voire une grève générale ou en tous les cas reconductible. Donc il y avait les syndicats. Dimanche prochain, dimanche soir, ils vont bloquer les camions en Ariège parce qu'il y a l'Espagne, etc. Donc il y avait cette journée nationale, par exemple, bon, mais qui n'est pas venue jusqu'à nous. On n'était pas au courant. Et puis il y a aussi cette idée de faire une journée où on bloquerait les pôles emploi. Je pense que c'est aussi des choses comme ça dont il faut se saisir, parce que ça nous permettrait, même à pas très nombreux, à pouvoir lancer une dynamique collective, voire nationale. Voilà. Et puis je voulais aussi dire une autre chose, peut-être parce que l'époque est différente, mais moi j'aimerais bien qu'on n'oublie pas les patrons dans nos critiques, parce que Macron c'est bien joli, ça me va très bien, pas de souci, mais on oublie un peu trop souvent, comme ennemis aussi, les patrons et les propriétaires, hein, parce que dans ce qui grève énormément nos budgets, c'est quand même les loyers. Donc ce serait bien de commencer à poser ces questions-là, en sachant qu'en plus, le gouvernement est en train de bousiller complètement le logement social. Donc demain, merde, voilà. Ouais. La question du logement, c'est quand même aussi une question centrale. Merci. Bonsoir tout le monde, Angélique. Il y a deux personnes en fait qui ont répondu. Je vais répéter en fait ce qui a été dit. Politiser, c'est pas un gros mot. Le mouvement, certes, est apolitique, mais nous faisons de la politique. Ici même, nous sommes en train de faire de la politique. Voilà. Donc c'est pas un gros mot, on peut le dire. On n'est pas. Tout à l'heure, on parlait de partisane, c'est ça qu'on a dit? Voilà, il y a des gens, moi ce que je trouve beau dans ce mouvement, c'est qu'il y a des gens qui viennent de l'extrême droite à l'extrême gauche et qu'on arrive enfin à discuter ensemble sur les réseaux sociaux. Des fois, moi, je vois des trucs, je discute avec les gens, on échange, etc. etc. Donc moi, je trouve ça que c'est le point fort du mouvement. Et je crois que c'est un peu, pour moi, ce qui dérange l'État. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais revenir sur les banlieues. Vous avez rappelé que le comité Adama était là, je suis très contente parce que, les casseurs c'est pas forcément les petits jeunes de banlieue. En banlieue, il n'y a pas que des petits de 13 à 18 ans, il y a aussi des travailleurs, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes au chômage. Si elles sont au chômage, c'est qu'elles ont travaillé et qu'elles ont ouvert des droits. Donc voilà, je voulais aussi le rappeler. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, en tant que minorité, même si on vient de banlieue, ben en fait, on est représentatif de ce que est le mouvement, parce que le mouvement en soi, il fait pas 66 millions d'habitants, et que en soi, en fait, moi par exemple aujourd'hui, dans tout ce groupe-là, je suis la seule femme voilée, donc je suis la seule femme minoritaire voilée, et ben en fait, proportionnellement, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je voulais le dire parce que c'est aussi important. Et moi, tous les jours, je vois des gens, quand je vais au manif, je vois des gens qui viennent de partout, de la campagne, de la banlieue, qui sont noirs, blancs, religieux ou non, etc. Et c'est l'un de nos points forts. Donc voilà, il ne faut pas se diviser par rapport à ça. Et voilà, et c'est la dernière chose. La dernière chose, je vais revenir sur ce que disait la dame, c'est par rapport aux effets des réseaux sociaux. Moi, j'ai une amie qui venait d'Ivry-Courcouronnes, qui avant-hier a pété un plomb à cause de messages complètement stéréotypés sur les réseaux sociaux. Et pour elle, aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement raciste. Voilà. Et il ne faut vraiment pas... Enfin, voilà, je voulais appuyer parce qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer l'effet des réseaux sociaux. Et moi, je les lis. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne fais pas attention parce que je suis je suis plutôt optimiste. Je vois plutôt les choses positives. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pardon ? Oui, moi, je le sais. mais voilà. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Voilà. Et puis, c'est tout. Merci. Oui, en fait, donc, moi, je voudrais... revenir un peu sur une image assez importante qui est apparue dans la mobilisation aux Champs-Élysées, surtout. Ce qui m'intéresse là, c'est ces refus de déclarer là par où on va bouger, là comment on va bouger et là où on va aller. Ce qui fait que, et je crois que c'est très très singulier à ces moments qu'on est en train de vivre, très particulière, c'est-à-dire le fait de ne pas déclarer, ça permet cette espèce d'inventivité, de créativité, de mobilité et de puissance en même temps. Et cette mobilité, elle est aussi liée à une certaine utilisation d'une espèce de beauté du geste qui a fait que tous les matériels qui étaient à Champs-Élysées pour faire des Paris une ville, une super ville européenne ou même mondiale, tout ça, ça a été complètement détourné casser des lieux de pouvoir et des lieux de consommation, surtout des consommations de produits de luxe et autres. Et si je parle de cette histoire de l'importance de ne pas accepter les règles imposées en termes de déclaration d'une manif, je vous pose là une question, Madame Vanille, s'il vous plaît, je vous pose une question parce que là vous parlez de l'importance de fabriquer des institutions. Alors moi je suis tout à fait pour que l'on travaille en termes de revendications, que là-dessus, et que ce soit quelque chose d'offensif à proposer, des propositions et offensif. Mais quand on parle de fabriquer des institutions, j'ai froid au dos. Parce que, bon, enfin, je n'ai pas beaucoup d'éléments théoriques, mais par exemple, un peu ce que Lordon dit, le pouvoir de captation qu'a l'institution de tout ce qui peut être cette créativité et la souveraineté et ce pouvoir populaire. Enfin, moi je m'inquiète un peu quand on parle des fabrications d'institutions. Et une dernière chose, un commentaire que j'ai entendu à la radio avant de venir ici, un sondage, un des plus, mais c'est un sondage qui n'a pas été beaucoup diffusé. Il semblerait qu'il y a 35% des personnes qui demanderaient l'intervention d'un homme fort et que c'est 10 points de moins que ce qu'on avait avant. Ça veut dire que malgré le bordel qu'il y a actuellement, malgré que l'extrême droite travaille à provoquer vraiment l'éruption de la force, mais la force dans le mauvais sens du terme, la violence, celle qu'on n'aime pas, justement pour pouvoir après faire émerger cet homme providentiel. Eh bien non, au contraire, ça, ces mouvements, il n'en veut pas ça. Il ne veut pas ça, il met en question la représentativité, la représentation. Donc je pense que là, fabriquer des institutions, moi je me pose la question et je pense que je revendique ce que dit Benjamin, enfin ce que vous aviez dit tout à l'heure, il faut être sur les qui vivent, quoi. Il faut être sur les qui vivent et ne pas produire des institutions. Sur le mot institution, c'est comme sur le mot politisation, ce n'est pas un gros mot. Cette assemblée est une institution. Donc la question de se doter d'institutions, ça veut dire de ne pas rester simplement à l'état, comme dirait Bauman, gazeux. C'est se consolider. Et se consolider, ça me paraît absolument nécessaire. Et pour que cette consolidation ne produise pas une fragmentation, des petits groupes les uns à côté des autres, il faut trouver les modalités qu'on appelle institutionnelles, de faire lien, passage, et c'est ça, se doter d'institutions. C'est pas réinventer la Ve République tierce. Voilà. Donc il me semble que c'est important, parce que le mot institution, il ne doit pas être considéré comme un gros mot. Peut-être qu'il faudra en inventer un autre s'il ne plaît vraiment pas. Mais je pense que c'est, voilà, il y a des mots fondamentaux, on en a besoin. Politisation, institution, peut-être délégation. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de mots, on en a besoin. Bon, ça tombe bien parce que entre le moment où j'ai demandé la parole et maintenant, il y a les choses sur les sujets sur lesquels je voulais parler qui ont été abordés, et justement notamment la question des institutions. Il se trouve que quand on parle, à mon sens, de démocratie représentative, c'est quelque part un oxymore. Il y a une impossibilité, à mon sens, d'avoir une démocratie qui passe par une représentation. Bon, après, il faut une forme de pragmatisme, même si j'aime pas ce mot-là, mais si on veut, en effet, pouvoir séparer le pouvoir, il faut réfléchir à des institutions, justement, qui puissent nous faire circuler le pouvoir. Et à ce sujet, à mon sens, le RIC, c'est un peu un piège. C'est-à-dire que ça peut être une bonne idée. Pour autant, si c'est vu comme création d'un contre-pouvoir, ça peut être intéressant, mais à mon sens, ce n'est pas un outil qui amène réellement la démocratie. Il y a d'autres types de démocratie qui ont été réfléchies, des formes de démocratie qu'on appelle liquide, si vous souhaitez vous renseigner. Pour la suite, pour la question des institutions, moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est au contraire de l'institution, c'est la destitution. Et je trouve que le mouvement des Gilets jaunes, en cela, est très intéressant, parce que c'est un mouvement qui... Enfin, un des mots qui est revendiqué, c'est Macron démission. C'est-à-dire, on a voulu démettre un pouvoir qu'on trouve ignoble. Et quelque part, la démocratie, à mon sens, devrait être ça, c'est-à-dire chercher tout le temps à démettre les gens qui cherchent à prendre un peu plus de pouvoir. Donc peut-être que nos institutions pourraient être un questionnement de l'institution, tout le temps, permanent.